moi lec. Wesh, t'as du bif, oh, va à la mec. Moi, je sors du périph en 2-2, mais voilà, mec. So Big B, toujours au B, groupe pour un petit 11. Merci pour le pilon, mais c'est pour ceux qui pillent 11 et puis 11. De façon, sans le prendre, l'histoire se répète petit à petit et tout ça sans l'écran. Y'en a qui se butent, y'en a qui font taffer l'équipe. Oh, les vacances pour nous, c'est au pays des Lady Boy. Et B-Boy, le samedi, y'a le secret ou l'acropole. S'il y a pas poker, concert, partie de console. Qu'on sort ou non, là, la police, elle est ennuyeuse. T'aimes bien ce qu'on fait, merci, mais regarde-moi dans les yeux. Pourquoi, quand j'essaye de faire du bien, personne me copie? À quoi bon fixer le mal si tes yeux te copient? J'suis un putain de bouffon, si ma meuf connaît mon code PIN, la jalousie n'accepte ni amis. Ni copine, nicotine dans les poumons, tout ça de manière passive. Jamais sans ma vie, ah ouais, putain que j'aime pas ce livre. Lis entre les silili, les silili, la Alzheimer, nous guette, faisons taffer les sininina. Le temps passe tellement vite, tu mets deux fois le même puzzle. Je deviens nostalgique en revoyant mes premiers buglis. Jeunesse oppressée, compressée dans les transports. Ainsi c'est trop pressé, donc un cœur qui se transforme. Wesh, Alki, c'est la Yves, aucune tendresse n'est admise. Ton manque d'assurance se cache derrière un tas de mises. Attaquise, elle t'attaque, tu sais, quand elle t'aguiche, ne t'étonne pas si pas Noël n'a pas lu ta liste. En parallèle, paradoxe, d'envie, les mecs dissimulent, de dissimule au Dallas. Madame, ça avec une de ses brutes. Enfoui dans l'ossature, on a tous un petit dragon qui t'aventure, qui fait tout pour sortir du lagon. Les amis, j'avoue, moi j'ai peur de ce cracheur de flamme qui peut transformer un mec timide en dragueur de femme. Impossible de prendre le large, y'a trop de points dans le crash. Imaginons ce que ressent un otage pendant le crash. Sensation d'impuissance, complice une revendication qu'il ignore, ses soucis sont ceux d'un petit garçon. J'en conclus que croiser quelqu'un peut être nuisible. Une meuf en nuisette peut te faire péter un fusible. On va pas se mytho, quoi, de quoi je te parle, t'occupe. Voyons plutôt les dégâts causés par un film de Hulk. Les garçons échangent le romantisme contre un short time pour qu'elles n'en parlent plus d'amour, mais plutôt de chantage. Assis grâce au champagne, parfois on s'y je t'aime. Merci, c'était sympa, on s'appelle à la semaine prochaine. Le pire, c'est que certaines sont open OP pour tout. Combien de sœurs se sont vues accepter une part tous? Combien se branlent, combien espionnent, combien les vieux? À combien s'élèvent les innocences qui sont les faux? Après s'être amusé, on veut tous quelqu'un de chevier. Qu'on finit par tomber avec quelqu'un qui sait y faire. Moralité, on est tous malades de la libido. Marc Dorcel devrait plutôt investir dans les hôpitaux. 10 ans plus tôt, j'étais pas du tout comme Asnigas. J'étais un cheval blanc avec des ailes comme Pégase. Ma mère était fière de moi, souvent premier à l'école. Puis j'ai connu le vice et je me suis transformé en licorne. Si t'es témoin de toutes mes bonnes volontés, s'te plaît, bénis-moi. Et dans ma descendance, l'ami, ouais, y'a du sang béninois. J'suis pas d'accord avec le. Quand on aime, on ne compte pas. Elle compte pour moi, je compte pour elle en plus, elle compte sur moi. Sournois, c'est pas mon cas, les amis, sans être prétentieux. Au tournoi de la vie, j'agis poteau et je me prête au jeu. Dans mon cœur, c'est l'hiver, j'aimerais connaître une autre saison. La guerre contre la paix, il serait temps que nous la cessions. Pelle, et rappelle, elle est le mental en parallèle. Et jamais je n'appelle à l'aide. J'ai jamais dit que c'était bien, mais je me chécasse sous l'impair. Tout ça me saoule un peu et pour gagner, on apprend à perdre. Ton rap n'est pas mieux, regarde-le, il est imperbe. C'est comme la politique, tous corrompt, putain de merde. Le maire devient impaire en période électorale. S'intéresse, ça nous fait même les prières et les doras. Le résultat, c'est un roi A dans mon trou A. Je pense à me jouer à sans trou A. C'est mon trou A, je crois A. Mon code postal, un numéro d'écrou. Son pic partage, c'est DA sans scrupule, c'est le nom du groupe. Saka, galélé, ça boit, saka, galélé. Ça gagne dans les doigts, elle est une copine, une jacalélé. Coupe de cheveux sur le parking, comme s'il y avait un casting. C'est quoi, soir, ce? C'est Laser Quest, tout le quartier. Mais ça sera pas le costume et ton champ filme ma tenue du net. Là où je vois que des gratteurs, et j'ai un problème de vue de lunettes. Je vous propose des bails, on se connaît pas, ne fais pas semblant. T'attends le retour, ton souci, ne pas te retrouver sans plan. Arrête de mener tour ou tour, j'en attrape le nid tour, le bruit court. Ouais, j't'ai cramé, fais demi-tour. Sous panavig, batazana, varta, pas le mantanaval. Sans scrupule, panavul, qu'est-ce qu'il y a en aval de pranavo? Sous panavig, batazana, varta, pas le mantanaval. Sans scrupule, panavul, qu'est-ce qu'il y a en aval de pranavo?